le champion en place. Elle s'en souvient depuis. Bonheur est un contraste. Je suis arrivé un jour de pluie. On dort à trois dans son T1. Papa, c'est un pirate. Deux fois qu'on crée hier un terrain. Qu'on ait des sous, c'est un miracle. C'est RDV dans les cafés. Voyez Paris et la pelote. Boum, boum, ça tape à la porte. Tu vois mon père avec des menottes. Une enfance, ça se construit. À tout moment, ça peut craquer. Avant que je rentre au collège, cette décennie m'a marqué. Tes parents qui rient ensemble, qui se battent à mon soirée. Des cris, des larmes et des voix du sang, moi, je vais me cacher sous la couette. Tu le sais, je suis très pudique. Je n'en parle pas en public. Ce qui a pu me détruire, ce qui va peut-être te faire fuir. J'ai beaucoup de séquelles, bébé, j'ai le cœur fait en cuir. J'ai dormi dans les foyers, mais putain c'est pas chez moi. Je m'adapte pas, les journées passent. Je suis silencieux comme un chinois. Ma vie entière une note de piano. J'ai très peu connu qui a mot. J'entendais les factures, les liens du cœur qui fracturent. Rythme cardiaque est rapide, comme à 200 dans la voiture. J'ai été l'enfant seul, oui bien sûr je sais que c'est moi. C'est noir, c'est quoi ce voile qu'il y a dans le miroir? Commencer à fumer du shit, 11 ans je faisais le mur de l'école pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Des parois de mes sentiments, je ne sais plus parler gentiment. Un sauvage est sur le continent, donc quand je creuse pas c'est poliment. Là j'ai fait connaissance avec des mecs dans le même cas. Je rentre plus chez moi pendant 2 semaines, en 24 heures je dors même pas. Et je crois que c'est là que tout part en couille. Mon vrai avis, je serais plus le même. Des cicatrices, je suis comme un bide. Tu frappes, j'ai toujours les nerfs. J'oublierai jamais ce que m'a dit ma mère. Quand j'y repense, sur le cœur s'attire. Mon fils de 12 à 15 ans, à la maison, t'as fait 5 samedis. Cambrioler toute ma ville, j'ai dormi dans les caves. Quand ça payait, j'allais à l'hôtel. Je suis plus petit que le comptoir. T'es comptoir, y'a la bague de nuit qui vient te récupérer. Une garde à vue de plus, je peux même plus les énumérer. 70 antécédents, 15 ans l'année 2000. Sans permis, si un barrage, t'es fou, toi, je fais pas demi. La vie, manger, tranger, venger, pouvoir, argent, avoir, craquer, braquer, la haine, le noir, la peur, le vice, la peine. On est dans les loups, non c'est pas la rue, être enfermé ça tue. J'ai fait partie des mauvais, le manque de tout m'a tué. Combien de fois j'ai mes vieux, combien d'âmes j'ai lâché. Les rivières c'est pas assez, mais chaque goutte c'est pour ma mère. Car je sais que j'ai tout gâché. Notoire, caille de base, calibré je suis toujours. L'influence est trop néfaste, la cité c'est comme Belfast. Au CGT j'avais 16 ans, mi corazón está muerto. Mes espoirs dans le puerto, j'ai la mort dans le rétro. Y'avait toute la future pègre, que le système a nourri. Que le mitard a pourri, des allers-retours même 10 ans plus tard. Y'a plus de pêche, y'a plus de temps. Elles ont croqué sur des grosses peines. En 8 ans j'ai vu des grosses teignes, la calage entre gospel. On nous a mis dans un trou. Pour la plupart on est cuit, on met plus le neuf dans le froc, on a tout chargeur et les tue. La crème.